Motor Vessel Brahms, Vanguard Pilot Golf Brahms. Dunkirk West over Seaways, hello. We are 1 hour from the breakwater. Master's PC is 122, please. Perfect, thank you. Do you want 7 towards the time? I'll call you back when helicopter proceeding to you. Yeah, okay, thank you. Down there, in arrière. Good morning, ma'am. Motor Vessel 1, 1, can you pilot coming back? I have said good morning, the situation is almost underway, sir. Remaining 1 shekel is the water. Thank you. So please watch 7 towards the time, I'll call you back when you got the opportunity to you. Sir, for the demo. Hey, it's a bon, sir, for. Sir, for the demo. It's a bon, sir, for. Dunkerque VTS du Brahms, bonjour à vous. Brahms, Dunkerque VTS, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Brahms, P28, 4m90. Et on sera aux alentours de midi au jeté. Un petit peu aux alentours de midi. C'est noté, je reviens vers vous tout de suite. All ships in the Dover Straits, this is Channel VTS, Foreign Information Service broadcast. Listen now on VHF Channel 11. That's VHF Channel 11. This is Channel VTS out. Brahms, Dunkerque VTS. Je vous écoute. Oui, monsieur, donc vous irez par De Gaulle à destination de Total numéro 1 et Cap Indifférent. Par De Gaulle, Total numéro 1, Cap Indifférent. Bien noté, je vous remercie. Avec le Atlas. Brahms, Dunkerque VTS. Je vous écoute. Oui, pour information, vous allez faire ça, c'est avec le CL Atlas qui sera piloté sur RAD. Ok, donc là, ça, c'est avec un navire de RAD. Ok, et vous pouvez me redonner son nom, s'il vous plaît ? CL Atlas, il est derrière vous. Le CL Atlas, ok, bien noté. Sud 1, Dunkerque West. Sud 1, Dunkerque West. Tu restes par les tribords. Vous êtes accosté, monsieur ? Oui, à l'instant, oui. Ok, ça marche. Vous êtes bien derrière le Minnesota, c'est ça ? C'est correct, oui. Ok, merci. Apparemment, on va faire la manutention là. Ouais, impeccable. Merci. High the ranges. Oui, juste pour information, c'est bien vous dans l'écluse des dunes ? Oui, correct, monsieur, c'est bien moi, oui. Vous êtes seul, hein ? Oui, tout à fait, je suis seul, oui. Merci. Merci. Après, bonne journée, tout seul. Estas de Gaulle du Star Issuant de Point-Info, je garde le marqueur arrière pour la sortie. Ok, reçu. Je croyais que t'avais tout, moi, propre et tout qui va bien. Je peux confirmer la classe qui va venir avant les... C'est l'Atlas Dunkerque VTS. Dunkerque VTS, c'est un passant. Yes, sir. Please call me back on channel 73, 1 hour before the East Breakwater, please. Ça arrive fort, face de Gaulle, 80 mètres avancé. 80. Dunkerque West, j'ai mis ça. C'est pas vous signaler que je suis fini, je pars du TDS pour les plus élus. Oui, c'est bien pris, monsieur. Bah écoutez, bon retour à tous, la Savannah est en sortie des dunes. Ok, je vous remercie, je vous souhaite un bon cœur et une bonne journée. Et également, à bientôt. T'arrives pas 60. Si 60. Tu vas un quart dans l'axe derrière. T'en aides. Un quart dans l'axe. Ah. 0, 1, 5. Yes, sir. Please call me back 1 hour before the East Breakwater on channel 73, please. That's 1 hour before I call you again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Oui, Savannah, bonjour. Bonjour, monsieur. Mathieu Savannah, dans l'épisode 1-9. C'est pour ça que je vais donc vers le poste méthanier et je vous rappelle à la sortie du canal des Lunes. Oui, bien pris, monsieur, merci. À tout à l'heure. Security, security, security. Monsieur. All stations, all stations. All stations. This is Dover Coast Guard. Dover Coast Guard. Dover Coast Guard. But a new gale warning. VHF channel 64. This is Dover Coast Guard. Starting for 10 mètres. This. Géobatti, la Carquest. Géobatti, j'écoute. Oui, monsieur. Vous êtes où actuellement? Parce que je vous vois pas du tout. Vous n'avez pas d'AIS? Non, l'AIS est en panne là aujourd'hui. Là actuellement on est amarré un couple sur une des vedettes de la manage pour faire des tests de matériel. Ah ok, d'accord. Donc vous êtes plus en sondage au niveau des unes. Ça marche, merci. Non, pas de soucis. Effectivement, on n'a pas d'AIS. On va tenter de régler ça rapidement. À la limite, dès que vous avez une manœuvre un peu contraignante, bah, passez là sur le 73 en néant. On écoute continue de toute façon. Ça marche, non, parce que j'ai du mouvement dans les dunes, c'est pour ça, mais si vous n'y êtes pas, tout est clair, merci. Bien reçu, tout à l'heure. Tiens bon. Star Ford du cyclone. J'écoute. Bonjour, on peut passer sur la tribord là? Je suis amarré, pas de soucis. Très bien, merci. Allez, bonjour pour l'aventureux, idem. Reçu l'aventureux. Un carquet, le rondage. Rondage d'un carquois. Bonjour monsieur, c'est pour vous signaler qu'on rentre au posté en V2. C'est bien pris, merci. Bon appétit à tous. Et vous aussi, bon car. PTS d'un carquois, dégo. Dego d'Aka VTS, bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur, je suis dans l'écluse de Mardic pour rentrer dans le port et me mettre sous les pieux à l'entrée de Mardic. C'est noté monsieur, vous pouvez me donner la marchandise et la quantité s'il vous plaît. Je suis vite et j'attends les ordres pour charger plus tard. Mais on n'a pas encore donné exactement quand. C'est noté monsieur, merci, bonne journée. Merci, hein. Sas de Gaulle du Star Issuant. À la carte ouest, vous avez fait la gendarmerie. Nous sommes accostés à Rouen 5. Bon tir à vous. Pour info, j'ai deux personnes. Noté, merci, bonne journée. Vous pouvez pas dire à vos collègues. Ok, pas de soucis. West Dover Sea West. Dover Sea West, Dover West. Hello, so passing the Timber, permission to enter, please. Dover Sea West, may I enter? Merci, monsieur. Tiens bon, cyclone. Station calling, Denker VTS, good morning. The name of the tug is Walrus 2. 2? Yeah, that's correct. Single tug, free running. Okay, sir. Keep watch 73, please. Yeah, thank you very much. You'll do a standby on 73. Espera, Dunker VTS, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, ça serait pour une entrée par la Dersune pour le vol 5, s'il vous plaît. Je reviens vers vous, monsieur. Claude, oui, tu as l'Espera qui souhaite faire Dersune, Mol 5. Je lui dis après la Vera. Ok, je te remercie. Espera, Dunker VTS. Oui, monsieur, vous ferez la SAC après la Lavera qui est dans la Darce 1. D'accord, merci beaucoup. Donc, tu as vu, Ronan, on a le Walrus RCE au niveau de la RCE. Cross-Grigny, Cross-Grigny de SNS 276. Je peux rien. Ah, j'ai pas demandé ça d'ici, je le demande. Walrus 2, Denker VTS. Il remarque quelque chose? Non. Apparemment. Denker VTS, Walrus 2. On reprend, à droit, on reprend un quart. Yeah, what is your destination, sir? Destination is Perth Newport. Cyclone un quart. Ok, sir, and are you in operation now or you are alone? No, we are free running, no operation. Free running, okay, sir. Keep watch 73. Yeah, okay, thank you. A Newport. Bye bye. Ouais, bon, je pense qu'à la vitesse qu'il allait, j'étais pas inquiet, tu l'as dit, il a marqué rien. Il faut toujours se faire confirmer. Parce que ça tombe, je le vois pas. Tu le vois pas? S'il remorque une barge, la barge n'a pas d'AIS, il n'y a pas d'équipage, il n'y a rien, au pire, il n'y a pas de feu. Et il est beaucoup moins manœuvrable, du coup. Non, mais c'est surtout que. Si la barge a fait 60 mètres de long, la barge a fait 150 mètres de long, la barge toute seule. Bonjour monsieur. Plus le train de remorque, plus le remorqueur, c'est pilote. 3 quarts à droite, 3 quarts. 3 quarts à droite. Cyclone, demi-cyclone. Demi-cyclone. AM Québec du Q2, 100 mètres. SMI seulement, à droite, et cyclone, tiens bon, cyclone. Tiens bon, tombe à droite. Cyclone, tiens bon. Et tiens bon, cyclone. Ventureux, demi. Demi, ventureux. Ventureux, maxi. Maxi, ventureux. Reprend 3 quarts à droite. 3 quarts à droite. Crevin, aventureux. Tiens bon, aventureux. Tiens bon, aventureux. Cyclone, demi, cyclone. Cyclone. Cyclone, 3 quarts, cyclone. 3 quarts, cyclone. Ah, puis là, est-ce qu'on pourrait avoir tous les s'il vous plaît, à l'arrière cyclone, tiens bon, cyclone, ouais, je l'aurais dit pour les avoir. Tiens bon, cyclone. Ouais, super, merci. À droite, Maxi. Maxi, à droite. Même Québec, 300. Attends, cyclone, tiens bon, hein. On ne fait plus rien. Ok. Et aventureux, demi. Demi-aventureux. Demande d'entrée port Est, écluse de Mardic. Demande d'entrée port